Wesh, que les grosses chiennes, bien? Ouais, ça va. Tu vas où, là? J'ai rendez-vous avec les gars dans le bâtiment M2. Tu vas faire quoi? Tu vas me faire plaisir. Comment ça, te faire plaisir? Toi-même, tu sais. Vraiment une salope, toi. Chapeau. On a pas marre des caves. Ouais, j'en ai marre, mais t'as vu, j'ai pas le choix. Je kiffe trop le sexe. Les gars, je peux pas me passer tout ça. Bah, si tu kiffes ça, viens à Sunset. Sunset? C'est où? Y'a quoi, là-bas? Sunset, bah, tout ce que t'aimes. Viens à Sunset, arrête le beca. Ici à Sunset, y'a du sexe. Mes potes Dickens c'est ses potes gars, des bonnes bites. Ici on donne sur de bons bites. Les femmes sont des nymphomanes comme de Bosch. Ici pas de sado, double pénétration anale. Sodo, sur ces différentes peaux, j'peux dire que ça donne. Sunset, bitch, y'a la plage, la mer, le soleil, sois sage. Bitch, au pays des merveilles, tu seras pas que de passage. Même si t'es une débutante, sois pas hésitante. Celle qui donne son corps le mieux en sera présidente. T'aimes ça, bouge tes formes, mange tout. Passe hommage là, mon fuite. Sur ton visage comme crème, j'crache tout. Lâche pas, Sunset. BIDCH, pas d'aphrodisiaque, tu mouilles, t'as donné au plaisir de la chair à la vue de nos manches. Sunset, trop de belles femmes, ici tu rentres sur casting. Faut des belles formes, pas ton épate que de castor, conforme aux normes. XXL, ici c'est bon confort, cesse de regarder tes films XL. Tu te branles trop fort, viens sur mon île, y'a tout pour faire du bon sport. Style Del Rio de sang, j'ai illégal comme sponsor. Tu veux des bons hommes, des bons hommes, viens Sunset. Tu veux des femmes bonnes aux formes, fat, viens Sunset. Tu veux la plage, le soleil, la mer, viens Sunset. Tu veux arrêter les caves, alors viens Sunset. Tu veux des bons hommes, des bons hommes, viens Sunset. Tu veux des femmes bonnes aux formes fat, viens Sunset. Tu veux la plage, le soleil, la mer, viens Sunset. Tu veux arrêter les caves, alors viens Sunset. Si tu viens à Sunset, tu brilleras comme un joyau. Et vu ton corps, je connais certains frères qui seront joyeux. T'occuper de ce derrière et de cette paire de Hans Master, que je bénirai à l'eau bénite comme un pasteur. Si mes sauces ruent sur toi, ne fais pas celle qu'on touche pas. Je t'ai déjà serré dans les caves, on peut pas dire que tu couches pas. Je sais même que t'es adepte de gangbang et tout spa. Et que ton nom est sur la bouche de l'ascar de tout part. Tes copines te traitent de garce, mais t'inquiète les meufs ici, mets-les toutes dans le même sac. Ici tellement elles en veulent, tous mes négros sont à sec. Mais n'aie pas peur du massacre, c'est quoi déjà ton nom? Kelly, hein. Ici tu seras pas en yinche, et si ta mère le sait, je crois que là ça va yèche. Fini les voisins qui trouvaient que toi et tes potes étaient trop bruyants. Si quelqu'un te sert, tu remonteras pas ton froc en friant. Là t'es dans mon foyer, y'a la chaleur, le sable et la mer. Y'a plus besoin de se cacher, tout le monde fait ça en plein air. Tu verras que mes sous sont de la technique et même des boîtes secrètes. Remarque, qu'est-ce t'en as à foutre? Ce qui t'intéresse, c'est le liquide qu'on sécrète. Que d'ailleurs tu kiffes et bois cul sec comme du martini, hein. C'est du bon ça et ça vient de Martinique, hein. En bref, tu vois le truc, je vais pas te faire un speech. Que tu sois une pute, une tasse, c'est comme tu veux, mais viens à Sunset, bitch. Tu veux des bons hommes, viens à Sunset. Tu veux des femmes bonnes aux formes fat, viens à Sunset. Tu veux la plage, le soleil, la mer, viens à Sunset. Tu veux arrêter les caves, alors viens à Sunset. Tu veux des bons hommes, viens à Sunset. Tu veux des femmes bonnes aux formes fat, viens à Sunset. Tu veux la plage, le soleil, la mer, viens à Sunset. Tu veux arrêter les caves, alors viens à Sunset. J'entendais, ouh, ah. Dans les caves quand tu n'es né, et que mes sauces te montent façon dada. T'aimes ça tourner, regarde ta répute. À Sunset t'es une femme comme les autres qui aiment les membres, pas une pute. C'est ça, viens montrer ton corps à Sunset. Déshabille-toi, ici il fait chaud 7 jours sur 7. Y'a toutes les races, chinoises, robes noires, blanches et métisses. Et les gars en chien, ici tu payes pas, tout est gratis. Pas de max, c'est moi le boss, des meufs bien en chair. Pas de que ce mannequin, ni même grosse note buffer qui fait ses belles gosses. Sunset, île perdue, au large de l'océan. Y'a des parisiennes, de belles bronzées, de la cité phocéenne. De tout, tu seras gâté, tu sois fille ou garçon. Puisse au garçon, pas chute, pas de violence, pas de gueule au caleçon. Rien que de belles femmes, rien que de bons hommes. Si t'as la dalle, pas de larmes, y'a toujours un bon homme. Cesse tes bla bla bla, viens à Sunset, bitch, là-bas y'a plus pour faire des bonnes recettes, bitch, bla bla. Tu veux des bons hommes, viens à Sunset. Tu veux des femmes bonnes aux formes fat, viens à Sunset. Tu veux la plage, le soleil, la mer, viens à Sunset. Tu veux arrêter les caves, alors viens à Sunset. Tu veux des bons hommes, viens à Sunset. Tu veux des femmes bonnes aux formes fat, viens à Sunset. Tu veux la plage, le soleil, la mer, viens à Sunset. Tu veux arrêter les caves, alors viens à Sunset. Viens à Sunset.